Eh bien, bonsoir à tous. Donc, on est là ce soir pour parler de la sexualité qui va nous être présentée donc par Julien et par SNK. On n'a plus besoin de présenter, je crois, ni l'un ni l'autre. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, je ne sais pas lequel des deux commence. Qu'est-ce que vous avez prévu? Eh ben, je vais commencer par faire une présentation un peu de ce que c'est que la sexualité, hein. On va commencer comme ça. Ok, bah on écoute. Ok, ben alors c'est parti. Voilà, moi je me présente, donc Julien. Je suis asexuel et administrateur d'Aven. Donc, c'est un réseau de la Sexual Visibility and Education Network. C'est un réseau un peu pour la visibilité et l'éducation à la sexualité. Voilà, alors, qu'est-ce que la sexualité? En fait, c'est quelque chose d'assez simple et compliqué. C'est la sexualité, c'est l'absence d'attirance sexuelle pour les autres. Quand on a beaucoup réfléchi à la question, en fait, la définition s'arrête vraiment que à ça pour l'ensemble des asexuels. Concernant un peu tous les autres points en dehors de l'attirance sexuelle, on est tous plus ou moins différents. Et la sexualité est une orientation sexuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas causé par un problème, c'est pas quelque chose qui se soigne, c'est pas une maladie, c'est voilà, c'est quelque chose qui a la même image que l'homosexualité, quoi. L'homosexualité ou l'hétérosexualité d'ailleurs. Du coup, voilà, la définition est assez courte et assez simple. Par contre, souvent, ça génère beaucoup de questions. Tant pour les asexuels qui découvrent ça et qui vont essayer de comprendre si effectivement ils n'ont pas d'attirance sexuelle, que pour les personnes qu'on dit sexuelles qui ne comprennent pas forcément ce que c'est que la sexualité, vu que eux ils ont de l'attirance sexuelle et ils ont un peu de mal à comprendre ce que c'est que de ne pas en avoir. Voilà, donc grosso modo, comment on se définit asexuel? Alors là, c'est un peu mon point de vue, mais que je pense s'applique à beaucoup d'entre nous. Définir l'absence de quelque chose, on sait que c'est assez compliqué en général, quoi. Et du coup, pour se définir asexuel, quand on apprend le mot, on se dit pas du jour au lendemain, avec une totale certitude, je suis asexuel. On va essayer de chercher dans notre mémoire ou dans nos expériences passées si ce qui va confirmer ou infirmer si on l'est. Ça va souvent expliquer beaucoup de choses qu'on a faites sans vraiment comprendre pourquoi avant de connaître la sexualité. Et puis voilà, plus on va tester le fait qu'on est sexuel et échouer à essayer de prouver qu'on est sexuel, plus on va comprendre qu'on est asexuel, finalement. Voilà. Je pense avoir fait déjà un peu le tour. C'était assez c'est assez court, mais voilà, après, tout dépend de vos questions que vous allez poser. La sexualité en elle-même est vraiment quelque chose de simple, mais qui génère beaucoup de questions. Alors moi, il y avait juste un petit point sur lequel je voulais insister aujourd'hui, puisqu'on ne l'avait pas assez fait à l'écrit, et je crois que c'est vraiment le point sur lequel tout le monde avait eu du mal à comprendre en fait ce qui se passait. C'est-à-dire que là où, bon, je pense chez les êtres, tout le monde est d'accord pour dire que la sexualité, c'est un spectre, donc on n'est pas dans une case homosexuelle ou dans une case hétérosexuelle, hein, c'est vraiment une sorte de continuum. On a aussi le même spectre, mais au niveau du romantisme, en fait. Et ces deux spectres sont totalement pas connectés. Enfin, je veux dire, ils sont pas forcément cohérents et ne font pas, enfin, ne tendent pas forcément vers la même chose. Et du coup, la plupart des gens vont avoir à peu près la même chose, mais des personnes, par exemple, peuvent très bien être homosexuelles et hétéro-romantiques. Bon, visiblement, ça existe. Ça doit pas être non plus une grande majorité, mais ça existe. Et du coup, en fait, on peut très bien être attiré par les hommes sur un plan romantique et être attiré par les femmes sur un plan sexuel, en fait. Et du coup, on peut très bien être attiré par des personnes totalement de manière romantique sans éprouver de désir sexuel. Ouais, par contre, on ne parle pas de personne asexuelle dans ce cas-là, puisque la personne ressent de l'attirance sexuelle pour l'un des deux sexes. Oui, Mais bien sûr, je parlais pas des asexuels. En fait, j'essayais juste d'expliquer la différence entre les deux spectres, en fait, et tout à fait. expliquer que les deux spectres étaient très différents, en fait. Exactement. Concernant la sexualité, alors je ne sais pas trop comment on appelle ça, si c'est un spectre ou pas. En fait, on peut le voir un peu comme un spectre, comme une ligne en fait entre l'hétérosexualité et l'homosexualité. Chacun va plutôt se situer sur la ligne plutôt hétéro ou plutôt homo, et ceux qui vont se situer au milieu vont être plutôt bi. Donc c'est un spectre dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent être 95% hétéro et 5% homo. D'autres qui vont être 70% hétéro, 30% homo, d'autres qui vont être plus homo qu'hétéro, d'autres qui vont être 100% homo et d'autres 100% hétéro. Voilà, ça reste une ligne où on peut. Il n'y a pas de. Personne n'est 100%. Enfin, tout le monde n'est pas forcément 100% homo ou 100% hétéro. Et au niveau de la sexualité, c'est un spectre dans le sens où il va y avoir des personnes qui vont avoir tout le temps de l'attirance sexuelle. Et ceux qui vont n'en avoir jamais aucun, du coup, ça va être, on va se placer sur la ligne entre le zéro et le tout le temps attiré, quoi. Et c'est en ça que la sexualité est un spectre aussi, hein. C'est-à-dire que on va définir asexuel ceux qui sont vraiment dans le bas de la ligne, ceux qui n'ont aucune attirance, voire très peu d'attirance. La sexualité, c'est On appelle les gens asexuels des personnes qui n'ont vraiment aucune attirance sexuelle. Le spectre de la sexualité regroupe ceux qui ont aucune attirance sexuelle, mais aussi une petite partie de ceux qui peuvent avoir rarement de l'attirance sexuelle, qui sont généralement confrontés aux mêmes problèmes que nous dans la société, en fait. D'accord, mais alors si j'ai bien compris, on pourrait être asexuel envers un partenaire et puis après être avec un autre partenaire et là être sexuel. Ça serait un peu comme dire que on est homosexuel avec un partenaire et hétérosexuel avec un autre. Bah, donc si j'étais bi, si je suis bi, c'est exactement ce qui peut se passer. Voilà. Alors, on n'a pas vraiment de terme pour le. En fait, bi, c'est quand on est pile entre les. Enfin, quand on est pile. Quand on est entre l'hétérosexualité et l'homosexualité, mais plutôt au centre, en fait. C'est quelqu'un qui va être à 90% hétéro, on va dire qu'il est hétéro, on va pas dire qu'il est bi, hein. Et c'est quelqu'un qui va être 90% homo, on va plutôt dire qu'il est homo aussi, hein. Pour la sexualité, c'est pareil. Dès qu'on va atteindre je donne des chiffres, mais bon, il n'y a pas vraiment de chiffres. Il n'y a pas vraiment de chiffres, mais disons quelqu'un qui a 90% du temps pas d'attirance sexuelle, on va dire qu'il est asexuel. Par contre, s'il a 50% du temps pas d'attirance sexuelle et 50% du temps de l'attirance sexuelle, on n'a pas vraiment de terme pour définir ça. On sort du cadre de la sexualité, en fait. Après, c'est toujours le problème de créer des frontières dans un spectre, en fait, hein. On doit dessiner une limite quelque part, mais alors du coup, où est-ce qu'on va tracer la ligne? C'est toujours l'éternelle question, que ce soit ça ou pour d'autres choses. Et du coup, il y a des personnes qui vont créer des termes pour parler de cet entre-deux à chaque fois. Enfin, je pense, alors après, je me trompe peut-être, hein, par exemple, au gré sexuel, au demi-sexuel, etc. On est dans cette catégorie entre deux où ben voilà, c'est un petit peu plus compliqué encore de définir ça, quoi. C'est ça. Une personne qui va être asexuelle avec une personne et sexuelle avec une autre, elle va pas être asexuelle parce qu'elle n'a pas jamais d'attirance sexuelle, en fait. Elle va avoir parfois, plus ou moins souvent, de l'attirance sexuelle. Si c'est vraiment rare, bah, on va plutôt lui dire qu'elle est dans le spectre de la sexualité. Si c'est plutôt fréquent, ça va être plutôt dans le spectre de la plus loin sexualité, quoi. Oui, donc ça reviendrait un peu au petit problème de compréhension qu'il y a eu par écrit, qui était par rapport à la libido, c'est-à-dire d'arriver de ne pas être attiré. J'ai pas compris. T'as eu un souci de son là à la fin. Ouais, je sais pas s'il y a eu un souci de son ou non, je crois qu'il a juste t'as juste arrêté de parler pendant quelques secondes, c'est ça? Ouais. Ouais. La libido, c'est encore un autre sujet parce que bah voilà, comme je l'ai dit au début, en fait, la sexualité, c'est l'absence d'attirance sexuelle pour les autres, pas forcément l'absence de libido. Hein. Et enfin, la libido, ça va être quelque chose qui va donner envie d'avoir une sexualité, mais pour les personnes sexuelles, ça va être toujours, enfin, en général, dirigé vers quelqu'un. Pour un asexuel, ça va jamais être dirigé vers quelqu'un, en fait. C'est-à-dire que moi, me concernant, justement, j'ai une libido, hein, donc j'ai besoin d'avoir une sexualité, mais je n'ai jamais besoin de la satisfaire avec quelqu'un, même quand je suis en couple. D'accord. Donc, à ce niveau-là, la sexualité se résume à quoi? À la masturbation ou à rien du tout, à des fantasmes? Là, bah, ça va dépendre beaucoup d'une personne à l'autre, toujours. Moi, me concernant, c'est la masturbation. Pour beaucoup d'entre nous, c'est ça. Voilà. Après, il y en a qui n'ont pas de libido et du coup, qui ont vraiment besoin de rien du tout faire. Là, c'est un peu chacun comme il le sent, quoi. Oui, alors pour moi aussi, c'est clairement la masturbation. Alors attendez, parce que là, en fait, je suis en train d'écrire tout plein de deux. C'est génial, donc bref. Après, il y a des personnes qui visiblement, en fait, attribuent une étiquette sexuelle sur, par exemple, des caresses ou même des bisous. Donc peut-être qu'il y a d'autres moyens d'assouvir sa libido que par la masturbation ou par le sexe. Je reste ouverte, mais voilà, j'en vois pas des masses non plus. Mais la masturbation, c'est une sexualité. Oui, c'est une pratique sexuelle, la masturbation, bien sûr, mais c'est pas dirigé sur une personne. Donc on peut C'est ça, pas c'est ça. dire que c'est homo ou hétéro, puisque en masturbation, tu fais une pratique sexuelle avec quel genre, au final? Un genre qui est le même que le tien ou autre que le tien? Moi, là, je vois la masturbation comme quelque chose que tu fais. Enfin, avec toi-même, mais pas dirigé dirigé vers rien, quoi, en fait. Donc, c'est plus un moyen de, je ne saurais pas dire, mais de libérer une tension, une pression, un truc, voilà, un truc qui fait du bien et voilà, quoi. Mais dans le cas de la masturbation, il y a toujours une conception, une imagination. Tu t'imagines avec un partenaire X ou Y? Alors, moi, me concernant, je m'imagine, en fait, je m'imagine surtout des situations, pas forcément des personnes. Enfin, c'est pas forcément, c'est en fait jamais je pense trop à quelqu'un en particulier, c'est surtout des situations qui me font fantasmer. Mais c'est toujours avec un genre féminin, mais c'est pas une attirance sexuelle dirigée vers ça, en fait. C'est plutôt la situation qui est un moteur pour la masturbation. Ouais, Enfin, je moi, comprends pas quelque ce que chose tu qui veux va diriger vers quelqu'un et que je vais avoir envie de faire avec quelqu'un, en fait. dire. Moi, je me reconnais justement beaucoup dans ce que tu dis, Julien, parce que pour moi aussi, en fait, c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire, je vais être stimulé par une situation. Donc, j'avais pris l'exemple de quelqu'un qui mange du fromage. Donc, ça va forcément être une fille qui mange du fromage, mais c'est pas la fille qui va m'attirer. Enfin, je veux dire, il va y avoir une certaine idée romantique qui va alimenter un petit peu tout ça, mais c'est pas vraiment ça qui va m'attirer sexuellement. Et c'est plutôt l'acte en lui-même, en fait, de manger du fromage, par exemple, qui va me stimuler sexuellement plutôt que la personne. Oui, mais là, du coup, cette stimulation, elle implique quand même une autre personne, même si elle n'est pas clairement définie, enfin, si ce n'est pas quelqu'un en particulier, finalement, il y a toujours Oui. quelqu'un d'autre. Oui, il y a toujours quelqu'un d'autre, mais au final, c'est pas cette personne-là qui provoque l'attirance sexuelle, au final. Ouais, voilà, c'est dirigé vers un quelque chose d'imaginaire, mais c'est jamais réel en fait, c'est jamais concret. C'est pas vraiment dirigé, pardon, c'est plutôt un moteur pour cette activité-là, mais c'est jamais dirigé vers quelqu'un. On n'a pas envie d'aller vers quelqu'un. On se l'imagine dans une situation avec quelqu'un, mais on n'a pas envie d'aller vers quelqu'un réel pour le faire, quoi, en fait. Et comme je pense beaucoup de fantasmes, même chez les sexuels, il y en a beaucoup qui en ont et qui jamais ne veulent les réaliser, en fait. C'est un peu à cette image-là. Oui, donc c'est plus dans la situation, enfin, de ce que j'ai compris pour vous deux, plus qu'une personne X ou Y. C'est plus dans là, pardon? Dans la situation, Ouais, plutôt qu'une bah personne. alors nous concernant nous, mais après on parle vraiment d'imaginaire et de fantasme. En fait, pour un asexuel, tout ce qui est imaginaire et qui fait partie du fantasme, en fait, jamais on va avoir envie de le concrétiser réellement avec quelqu'un. C'est-à-dire que voilà, on peut se l'imaginer parce que ça provoque une excitation, quelque chose. Ça, en réel, ça pourrait être différent, pas forcément d'ailleurs, mais moi, me concernant, je pense qu'il y a des situations qui me font qui provoquent une excitation chez moi, qui en réel, ça me ferait rien du tout, quoi, en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et dans la même idée, en fait, je voulais rajouter, ah, ça fait encore tout plein de deux dans la barre. Oui, donc je voulais rajouter que, par exemple, dans mon cas, ça va être tout un scénario, il va y avoir des noms, etc. Mais après, je vais pas imaginer le corps de la personne, je vais pas, bon. Parfois, je vois peut-être vite fait un visage, quoi, mais c'est vraiment pas le truc sur lequel je vais me concentrer, en fait. C'est vraiment l'histoire qui va vraiment participer à tout ça. Voilà, je vois Hervé, je lis un peu Hervé. En effet, il précise bien que être asexuel, c'est pas une question de comportement. Il peut y avoir des gens qui vont avoir un comportement sexuel alors qu'ils n'ont pas d'attirance, parce qu'ils peuvent avoir un comportement pour d'autres raisons que l'attirance. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important, parce que on peut dire d'une personne qu'elle n'est pas asexuelle parce que bah, la dérégulation sexuelle, justement. Alors qu'il n'y a que elle finalement qui peut savoir si elle est asexuelle ou pas. J'ai pas compris là, j'avoue. Je reprends. En fait, un homosexuel ou un hétérosexuel, on peut assez facilement dire ou confirmer qu'ils sont hétérosexuels ou homosexuels parce qu'ils ont une activité qui est souvent en accord avec leur orientation. Bien que chez les homosexuels, il y en a beaucoup qui ont eu des relations hétérosexuelles pour être normaux et se sont rendus compte après qu'ils étaient homosexuels. Chez les asexuels, comme la frontière est neutre en fait entre le fait de vouloir ou pas vouloir des relations sexuelles, ce qui fait qu'un asexuel va vouloir ou pas des relations sexuelles ne va pas dépendre de l'attirance puisqu'il n'en a pas. Ça va dépendre de plein d'autres facteurs autour, en fait. Et du coup, un asexuel peut avoir des relations sexuelles, par exemple pour avoir un enfant, alors qu'il n'a pas d'attirance sexuelle. Mais s'il veut avoir un enfant, il peut vouloir des relations sexuelles. Mais c'est pas lié avec son orientation, quoi. Oui, En ça gros, sera c'est la juste. même histoire que la personne bisexuelle, qu'on va définir comme étant hétéro parce qu'elle est en couple avec quelqu'un qui n'est pas du même sexe. En gros, c'est à peu près la même histoire. Elle est pourtant juste bisexuelle, mais c'est pas parce qu'elle est en couple avec une personne du sexe opposé que elle est forcément hétéro, quoi. Je sais pas si on est très clair. Ici, là, oui. Mais moi non plus. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui est assez important, en effet, dans les médias. On entend beaucoup parler de ça, ouais. Alors, pour répondre à Gaël, je ne sais pas si c'est vraiment l'inverse de la demisexualité, parce que sur un spectre, l'inverse, etc., c'est assez difficile à essayer d'évaluer. Mais on retrouve des idées qui sont à peu près semblables avec la demisexualité. Sauf que la demisexualité, en fait, on peut être attiré sexuellement par une personne, en plus d'être attiré romantiquement. Et il y en a plein pour qui, en fait, on va être attiré romantiquement, mais pas sexuellement, en fait. Voilà. Donc, enfin, si j'ai bien compris, c'est ça la différence, en fait. On va définir déjà peut-être la demi-sexualité pour ceux qui ne savent Juste pas. une question avant. Oui? Quand tu dis être attiré romantiquement, tu parles d'un amour platonique? Alors, j'ai pas compris la Romantiquement, question, ça a été troché. tu parles d'un amour platonique quand tu dis attiré romantiquement? En fait, quand on parle d'amour romantique, ça veut dire qu'on a des sentiments amoureux pour quelqu'un, mais sans avoir le. Enfin, indépendamment du sentiment sexuel, de l'attirance sexuelle. C'est-à-dire qu'on va avoir envie d'aller vers quelqu'un, de l'embrasser, de la prendre dans les bras, etc. Mais on ne va pas avoir envie d'avoir une sexualité avec elle. C'est ça l'attirance romantique. Alors attention aussi à pas forcément mettre les baisers, les caresses, etc. dans le romantique, puisqu'il y a certains asexuels qui se définissent comme étant romantiques et qui n'embrassent pas, ne font pas de câlins, ne font pas de caresses, parce que pour eux c'est des actes sexuels. C'est-à-dire que là la frontière elle est très floue et ça dépend vraiment de chaque individu, quoi. Enfin quand j'ai rencontré des personnes comme ça, j'ai dû remettre en question pas mal de choses, quoi. Oui, c'est tout à fait. En effet, ça dépend vraiment des gens. La plupart des asexuels sont plutôt câlins. Il y en a quand même qui, en effet, refusent tout contact. Et il y en a même quand c'est pas dans un cadre amoureux, qui refusent vraiment tout contact physique. Voilà, ça va vraiment dépendre des personnes, ce qui va être à la frontière entre ce qui est sexuel et ce qui ne l'est pas, quoi. En effet, pour certaines personnes, ne serait-ce que faire un bisou, c'est déjà sexuel et c'est déjà trop pour eux. Mais je pense que là, en fait, on est dans divers degrés au niveau du spectre romantique. Je pense plus que dans le spectre sexuel. Je pense, hein. Enfin, voilà. Ouais, c'est pas vraiment le spectre romantique, je pense que c'est surtout parce que c'est pas le spectre romantique, ça veut dire qu'on aime plus ou moins quelqu'un, mais là je pense que c'est pas une question d'aimer plus ou moins quelqu'un parce que le spectre romantique en fait ça va aller de l'aromantique au romantique, sauf qu'un aromantique, donc quelqu'un qui va pas avoir du tout de sentiments amoureux pour quelqu'un. Il peut avoir envie d'être câlin avec quelqu'un. Donc je ne pense pas qu'on parle de spectre romantique, mais après, c'est plus l'acceptation de chacun. Je sais pas si je crois pas qu'on ait vraiment de terme pour dire ça, pour définir ça, en fait, ce que chacun est capable de faire, ou ce que chacun a envie de faire, du moins. Mais alors, quelle différence avec un amour platonique? Alors, l'amour platonique, ça va être un choix, en fait. Ça veut dire qu'on décide d'avoir une relation amoureuse et de ne pas avoir de relation sexuelle. Donc, souvent, l'amour platonique, ça s'associe aussi avec de l'abstinence. Alors que chez nous, les asexuels, il n'y a pas du tout de notion d'abstinence, en fait. Ouais, je vois. Et du coup, pour en revenir vite fait à ce qu'est la demisexualité, vu qu'on était un peu parti sur le sujet, la demisexualité, c'est le fait d'avoir de l'attirance sexuelle de façon très rare pour quelqu'un avec qui on a des sentiments plus forts qu'avec la plupart des gens avec qui on a été en couple. C'est-à-dire que c'est quand on a eu un sentiment un peu exceptionnellement plus fort, enfin un peu beaucoup souvent, exceptionnellement plus fort avec une personne en particulier qui va déclencher une forme d'attirance sexuelle qu'il n'y aura jamais eu et qu'il n'y aura probablement jamais plus avec d'autres personnes avec qui la personne aura des sentiments enfin, plus classiques, quoi, pas exceptionnels. D'accord, mais alors justement, là, ce que tu es en train de dire, ça laisserait supposer, entre guillemets, qu'il peut y avoir une attirance donc plus forte ou sexuelle pour un partenaire et pas pour un autre. On est bien d'accord? J'ai pas très bien compris, ça a un peu coupé, hein. Pardon. Ça voudrait dire que donc tu peux avoir une attirance sexuelle plus forte pour un partenaire. Alors, oui, c'est tout à fait possible. En fait, on se définit asexuel tant qu'on n'a pas trouvé de preuve que on n'est pas sexuel. C'est-à-dire que on sait là, au jour d'aujourd'hui, tous les asexuels n'ont jamais eu d'attirance sexuelle. Mais il y en a pour qui ça arrive un jour pour une personne en particulier. Il y en a pour qui ça peut changer au fil du temps avec voilà avec du temps qu'en fait ils peuvent devenir sexuels. Mais ils passent en fait on se définit asexuel parce qu'on n'a vraiment rien du tout. Et puis si un jour on ressent quelque chose, ben, on va plutôt passer dans le spectre de la grésexualité ou la demisexualité. Et puis si après ça on continue d'en avoir pour des personnes avec qui en fait on n'a pas plus d'attirance, bah, c'est que en fait notre orientation aura évolué un peu avec le temps. L'orientation sexuelle c'est quelque chose d'assez fluide et qui peut changer avec le temps. C'est assez rare mais ça peut changer avec le temps. Et du coup en fait on ne peut se définir asexuel que tant qu'on n'a pas eu la preuve du contraire, qui est toujours susceptible d'arriver, mais pour la plupart des asexuels, ça arrive pas, quoi. Ça reste une orientation et ça change. Oui, et D'accord. après, sans preuve du contraire, il est raisonnable de penser que on peut être asexuel, même si ce sera peut-être amené un jour à changer, quoi. Voilà, exactement. On se définit asexuel tant que ça n'a pas changé. Et quand ça fait 10 ans qu'on est asexuel et qu'il n'y a rien, pas eu le moindre petit changement malgré les différentes relations, malgré les différentes pratiques, malgré les différentes questions qu'on peut se poser, malgré les différents examens qu'on peut avoir fait, malgré tout ce qui peut faire qui pourrait nous montrer qu'en fait on a de l'attirance sexuelle, bah au bout d'un certain nombre de temps, un certain nombre de tests, on finit par se dire que de toute façon il y a chance que ça change, malgré qu'il faut toujours, de toute façon toujours rester ouvert à la possibilité qu'il y ait un élément, quelque chose qui fait que ça change, quoi. Je suis d'accord, mais c'est là où pour moi ça buguait à l'écrit, et je crois que là ça me fait la même chose. C'est bien le même phénomène que la libido. La libido bouge selon le partenaire, du tout, et avec d'autres, en avoir une. Si je peux me permettre, je rejoins Jean-Marc là-dessus. Personnellement, il y a une dizaine d'années, pour donner un exemple personnel, juste pour donner le ton, j'étais avec une compagne avec qui tout allait très bien et j'étais clairement dans le romantisme. Genre, il y avait pas d'attirance sexuelle vis-à-vis d'elle, pas plus que ça. Et entre-temps, j'ai eu d'autres partenaires qui, elles, par contre, ont éveillé ma libido, voire même des partenaires masculins qui ont éveillé ma libido. Donc, je suis un peu comme Jean-Marc là sur l'action. J'ai du mal en fait à vraiment saisir la différence en fait entre la sexualité et l'absence de libido en fait. Enfin, l'envie quoi. C'est ça. Je sais pas pourquoi je fais tout le temps l'envie en fait. Qu'est-ce qui fait la différence en fait? Ce qui fait l'envie, c'est une excellente question que seul vous pourrez répondre en fait. Moi personnellement, je peux faire le même témoignage qu'Anthony. Une partenaire, bon, on en avait parlé sur le groupe, qui était anorexique. Je n'avais aucune libido. Pourtant, j'étais mais mort d'amour avec. Voilà. Et avec toutes mes autres partenaires, bah, j'ai une libido, on va dire classique, enfin normale. Bref, une libido, quoi. Alors, je pense pouvoir répondre à la question. En fait, l'idée, c'est que la différence entre une personne sexuelle, c'est-à-dire Anthony et toi, Jean-Marc, et nous, en fait, c'est que vous, vous avez pu ressentir en fait une attirance sexuelle en ayant une libido, en fait. Et nous, bah, en ayant une libido, bah, avec qui que ce soit, qu'on soit, enfin, avec qui on soit sorti, bah, on n'arrive pas à avoir une attirance sexuelle pour cette personne, en fait. C'est ça la principale différence. Alors que vous, derrière, en fait, vous avez pu visiblement ressentir de l'attirance sexuelle pour d'autres personnes. En fait, pour vous, je pense que ce qui est compliqué, c'est que vous associez l'attirance sexuelle et la libido, pour vous, ça va de pair. Si vous avez de la libido, vous allez avoir forcément de l'attirance sexuelle pour une autre personne. Et je pense... Forcément. Que moi j'ai énoncé, je n'avais pas d'attirance pour cette fille, je pouvais en avoir pour une autre. Donc ma libido était bien là, mais elle n'était pas là par rapport à ma partenaire. Mais dans l'idée, en fait, nous, on n'a pas forcément d'attirance sexuelle pour d'autres personnes. En fait, c'est ouais, en ça fait, aussi c'est... la différence. C'est un peu compliqué de se mettre à ta place, en fait, parce que moi, me concernant, j'ai toujours eu de la libido, en fait. Ça m'est jamais arrivé de pas avoir de libido. Enfin, si, ça m'est arrivé, mais parce que j'ai eu une période de stress, parce que je déménageais, j'arrivais dans un nouveau lieu, j'avais besoin de prendre mes marques avant d'avoir des envies de ce côté-là. Du coup, j'ai un peu de mal à m'imaginer ce que c'est de ne pas avoir de libido. Par contre, pour ce qui est de ne pas avoir d'attirance sexuelle dirigée vers quelqu'un, là c'est mon quotidien, du coup c'est plus simple à comprendre. Alors que vous, en fait, vous avez, enfin, si j'ai bien compris, c'est que vous aviez pas eu de libido, et que parce que vous avez pas eu de libido, vous avez pas eu d'attirance sexuelle pour la personne. Ah non, alors non, que... non, attends, je me suis mal exprimé. C'est pas parce que ce que je veux dire, c'est pas parce que j'ai pas d'attirance sexuelle pour quelqu'un que ma libido est en sommeil pour autant. Ouais, voilà, tout à fait. Personnellement, je fais la différence entre la libido, donc l'envie de sexe, quoi, hein, c'est l'envie de passer à l'acte, et en avoir envie qu'avec une personne. Voilà, et avoir envie qu'avec une personne. Actuellement, je n'ai envie qu'avec une seule et unique personne, tu vois, mais. Ça n'empêche pas, même au quotidien, que j'ai quand même la libido qui s'exprime, tu vois. J'ai vécu une baisse de libido liée à une relation qui se passait assez mal, en fait. À un moment, je suis sorti avec une fille qui était hyper sexuelle et qui me poussait, en fait, à aller voir d'autres meufs pour perdre ma virginité. Et du coup, bon, je l'ai assez mal vécu. J'ai eu une grosse baisse de libido pendant une semaine. En fait, on arrive quand même à avoir des pertes de libido et à avoir la différence. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que là, moi, en faisant ça, enfin, j'ai vu que la libido, en fait, bah, je pouvais plus me masturber, etc. Par contre, quand j'ai ma libido, en fait, j'arrive à me masturber sans souci. Par contre, j'ai pas forcément envie de pratiquer des relations sexuelles. Je sais pas vraiment si ça répond à la question, en fait. C'est pas évident. Je comprends pas très bien justement quelle est la question, parce que si vous avez pas de libido et que, enfin, s'il y a eu un moment où vous avez pas eu de libido mais vous étiez quand même amoureux, en fait, qu'est-ce qu'il en était de l'attirance sexuelle à ce moment-là, quoi, en fait ? Et par quoi est-ce qu'elle est provoquée, votre attirance sexuelle ? Est-ce que c'est par la libido ou est-ce que c'est par les sentiments amoureux ? C'est là où j'étais pas d'accord avec la vidéo que m'avait donnée Julie, hein, où la fille disait la libido n'est pas associée à une cible. La libido est associée à une cible. Non, c'est là où, en fait, tu comprends pas le truc, en fait. La libido n'est pas forcément associée à une cible, on va dire, humaine, entre guillemets. Alors, si ce n'est pas le cas, je veux bien. Comment tu expliques qu'avec un partenaire X, tu as des envies une fois par mois, et avec un partenaire Y, tu as envie tous les jours? Nous, on a... enfin la libido est présente parce qu'on a besoin d'avoir une activité sexuelle, mais elle n'est pas dirigée vers quelqu'un. C'est-à-dire que on peut avoir notre copine à côté de nous ou n'importe qui. En fait, on peut avoir tous les mannequins du monde autour de nous. On va pas avoir envie de soulager notre libido avec eux. En fait, on va vouloir le faire tout seul. C'est suffisant. On n'a pas besoin. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois d'avoir une fille qui essayait de faire des trucs séduisants pour, je sais pas, obtenir une faveur, un truc dans le genre. Et j'étais là, ouais, d'accord, mais voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, voilà. Non, mais on est bien d'accord, c'est bien par rapport à une cible. Moi aussi, je peux te dire que j'ai connu des femmes qui étaient superbes, qui ont essayé de m'allumer pour une raison X ou Y. Avec elle, je ne ressentais rien parce qu'elle ne me plaisait pas, elle ne me plaisait pas. Il y avait tout un tas de choses. Je ne parle pas que physique, mais voilà, donc c'est bien lié à une cible. Quelqu'un. Oui, mais dans l'idée, tu as réussi à trouver des personnes, des cibles sur qui tu peux, entre guillemets, exprimer ta libido. Alors que nous, en fait, on n'arrive pas au final. Alors, moi perso, dans ma définition de la libido, peut-être que c'est ça le problème aussi. C'est peut-être comment on voit tous la libido aussi. Je crois que c'est ça qui fait qu'on ne se comprend pas. Mais pour moi, la libido, c'est simple. Enfin, c'est l'appétit sexuel. C'est quelque chose qui est forcément corrélé au sexe. Oui, complètement. Mais Le fait que c'est pas forcément dirigé vers quelqu'un. Et c'est là que pour moi, ça bug. En fait, c'est que c'est pas une histoire dirigée par quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est que du coup, quand on me dit asexuel, pour moi, du coup, la libido n'existe absolument pas pour vous, logiquement. Enfin, mais vous parlez quand même de libido. Donc, pour moi, il y a une sexualité derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, moi là où j'ai du mal à comprendre la définition de la sexualité, en fait. La différence entre un asexuel ou quelqu'un qui a simplement relégué le sexe en position 3e, 4e, 10e position de sa vie. Enfin, quelque chose qui n'est pas important dans une relation, tu vois. Mais la libido, c'est pas forcément... C'est juste... Enfin, quand t'as envie de, même si tu veux te masturber, c'est juste de la libido, non? Oui, c'est ça, de l'appétit sexuel. C'est pour ça que moi j'appelle ça. Ouais, mais là, c'est pas dirigé vers quelqu'un. Ça regroupe tout. C'est pas forcément dirigé vers quelqu'un. C'est l'appétit sexuel en général. Moi, c'est comme ça que j'ai fini la libido. Il me semble que c'est. Oui, mais justement, t'as un point essentiel, en fait. C'est que c'est pas forcément dirigé sur quelqu'un. Et à partir du moment où, en fait, c'est pas dirigé sur une personne ou, enfin, en particulier, mais sur quelque chose de totalement abstrait, en fait, c'est pas quelque chose que tu arrives à reproduire dans un acte sexuel, au final. Mais donc, c'est de la libido, quand même. Oui, mais c'est ça. En bien fait, sûr, les asexuels ont une libido. Ah ben voilà. Enfin, la plupart. Enfin, je sais pas, j'ai pas fait de statistiques. Ça dépend des gens, ouais. Mais bon, nous concernant tous les deux, en tout cas, on a une libido, oui, tout à fait. Mais on n'a pas envie de l'exprimer avec quelqu'un. Ouais, ok. Et du coup, c'est là que pour vous, j'ai l'impression que si on a une libido, elle est forcément dirigée vers quelqu'un. Et pourtant, vous nous dites que non. Ah non. Puisque non, vous non, avez eu des partenaires avec qui c'est pas le cas. Moi, elle est associée au sexuel, tout simplement. C'est pas de sexualité, pas de libido. Logique. En fait, être asexuel, ça ne veut pas dire ne pas avoir de sexualité. Alors, peut-être que nous, on a expliqué ce qu'on... Là où on en revient à ce que disait Hervé tout à l'heure, il ne faut pas confondre le comportement et l'attirance sexuelle, puisqu'on peut n'avoir aucune attirance sexuelle. Alors, je reprends, la sexualité, c'est ne pas avoir d'attirance sexuelle pour les autres. C'est-à-dire qu'on peut avoir de... Comment dire, c'est là qu'on peut avoir une libido et du coup avoir un besoin d'avoir une sexualité, mais on l'assume tout seul, quoi. Oui, parce que du coup, au final, on ne se retrouve pas dans la catégorie homosexuelle ou hétérosexuelle, puisque ce n'est pas dirigé sur un genre spécifique ou autre chose, en étant bisexuel, par exemple, en étant sur les deux genres. C'est pas non plus avoir de l'attirance sexuelle pour soi-même non plus. Hein. ça, c'est les autosexuels, il me semble. Ah voilà, ouais, j'allais poser la question. Il y a aussi un mot pour ça que j'ai pas en tête, mais c'est encore autre chose. Il y en a plein d'ailleurs après, hein, des variantes avec, par exemple, j'ai appris des sexualités du genre je ressens beaucoup d'attraction sexuelle au départ, mais plus je connais la personne... Et moi, j'ai d'attirance sexuelle. C'est un petit peu l'inverse de la sapiosexualité, qui consiste à avoir de plus en plus d'attirance sexuelle au fur et à mesure qu'on connaît la personne. Voilà, on avait dit, c'était un peu compliqué à bien saisir, surtout qu'il y a beaucoup de nuances. C'est pour ça qu'on pose des questions. C'est justement parce que c'est compliqué. Bah, moi, personnellement, je donne un avis purement personnel. J'ai l'impression qu'en fait, on vous a plutôt dépossédé du terme romantisme aujourd'hui. Parce que, enfin, moi, de ce que vous expliquez, ce qu'on a lu sur le forum et de ce que vous expliquez aussi, j'ai l'impression d'entendre des vrais, entre guillemets, hein, vrais romantiques, romantisme. C'est-à-dire que le sexe n'est pas du tout une donnée dans vos relations humaines. Absolument aucune fois. Ça n'entre pas du tout là-dedans. Moi, je suis d'accord avec ça, ouais. Humain. Mais ça veut dire moi, que du coup, j'ai l'impression que le terme asexuel a été inventé pour essayer de se réattribuer un peu ce côté romantisme. Ça veut dire que pour vous, vous pourriez être avec quelqu'un et vivre toutes vos vies sans avoir de sexualité, sans jamais que ça pose problème. Et ça, vous diriez que c'est du romantisme. Ouais, complètement. Non, mais puisqu'il y a un spectre de l'asexualité, du coup, oui. Disons que alors le spectre, ça inclut beaucoup de données qui complexifient beaucoup les choses. Mais si on se concentre, par exemple, sur les asexuels qui ont jamais aucune attirance sexuelle, vous diriez que ce sont des personnes qui sont juste romantiques, en fait ? Mais enfin, quel sens vous donneriez à romantique, en fait? C'est la question du Discord, quoi. C'est en fait, c'est quel sens on met à tous ces termes, en fait. C'est ça qui est compliqué. Et c'est très difficile pour moi de me mettre à votre place, en fait, et de voir avec vos lunettes, parce que du coup, faut tout redéfinir et être dans ce spectre de la redéfinition où le sexe n'a pas le sexe avec quelqu'un. Ouais, voilà. Mais c'est intéressant. Ouais, je rejoins complètement Lucie. Hein. Je suis pareil que Lucie, là. Qui est-ce qui parle, là, juste pour que je puisse monter le volume? Je ne sais pas qui parle, je t'entends pas. Okay. C'est moi, bonsoir. On peut monter le volume de quelqu'un? Bonsoir. Ouais. Oui, tu fais clic droit sur la personne et tu peux régler chaque personne indépendamment. Merci. C'est génial. Alors, si ça peut rassurer tout le monde, nous aussi, on a du mal à comprendre les personnes sexuelles. Hein, donc, bon, après, on y est un petit peu plus forcé du fait que ce soit un petit peu plus la norme, mais c'est pas facile pour tout le monde de comprendre les personnes qui ne sont pas comme nous, quoi. En fait, on se définit aussi comme étant des personnes romantiques, mais on utilise le mot romantique pour dire que on est amoureux d'une personne, en fait. On est hétéro-romantique ou homo-romantique ou biromantique pour dire, voilà, on ressent l'attirance amoureuse pour un homme, une femme ou les deux. Cependant, pour une personne sexuelle, cette attirance romantique va toujours être associée à une attirance sexuelle, enfin, la plupart du temps. Et du coup, le fait d'avoir envie d'avoir une sexualité, sans parler du comportement, hein, c'est-à-dire que une personne peut être romantique et du coup ne pas avoir de sexualité parce que c'est dans la définition de ce que c'est qu'être romantique avec quelqu'un. Mais où est-ce que je voulais en venir, père? Mais du coup, le fait d'être romantique. En gros, peut-être que ce que tu cherches à dire, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas de relation sexuelle qu'au final on peut pas tomber amoureux et qu'on est juste amis, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, je sais pas si on définit le romantisme de la même façon, en fait. Le romantisme pour nous, c'est être amoureux de quelqu'un. Pour vous, c'est d'avoir de l'attirance. Enfin, pour vous, c'est de ne pas avoir de sexualité avec quelqu'un. Mais il y a le comportement de ne pas avoir de sexualité avec quelqu'un. Et l'attirance, c'est-à-dire le besoin d'avoir une sexualité avec quelqu'un, c'est deux choses distinctes. C'est-à-dire que pour vous, est-ce que quelqu'un qui est romantique, est-ce qu'il va avoir un besoin sexuel ou pas? Oh, oui. Bah, ça dépend. Pour moi, ça dépend. Ça dépend s'il est asexuel ou pas, en fait. Ouais, bah ça. C'est bête, non? C'est ça, voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois aussi. Pour moi, asexuel, c'est un truc en plus. C'est, enfin, pour moi, vraiment, c'est un mot en plus pour définir justement cette absence de sexualité. Donc, c'est ça qui me, je crois, qui me fait bugger, en fait. C'est l'utilisation des termes, la multiplication des termes pour quelque chose qui, en fait, qui pour moi pourrait simplement s'appeler le romantisme, avec justement les différences de spectre jusqu'au romantique asexuel qui lui ne mettra jamais la donnée sexuelle parce qu'elle ne lui vient même pas à l'esprit. Oui, mais c'est quand même plus facile. Et c'est ça que je comprends pas, en fait. Asexuel que de dire que tu es romantique et que tu n'éprouves pas de besoin sexuel. En fait, un asexuel, les asexuels sont romantiques. Oui, voilà. Voilà, oui, ça. Qui n'est pas romantique, on dit que c'est quelqu'un qui est aromantique, en fait. Qui est autre chose. Une personne qui est aromantique, c'est quelqu'un qui ne va pas tomber amoureux, qui ne va pas développer de sentiments amoureux pour quelqu'un, en fait. C'est peut-être encore autre chose de ce que vous essayez de nous décrire. Par exemple, quelqu'un qui ne veut que du sexe et qui n'a jamais de sentiments, on appelle ça un satyre ou une nymphomane. Et ben justement, en fait, ils font partie c'est l'inverse. Des personnes LGBT, puisque ce sont des personnes aromantiques, sexuelles, en fait. Et ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, donc en fait, si je comprends bien, c'est juste une redéfinition, une réappropriation de nouveaux termes pour essayer de mieux clarifier vos positions, en fait. Il parle, Hervé. Nous, on va définir quelqu'un qui a des envies sexuelles sans jamais tomber amoureux, de notre point de vue, c'est-à-dire du point de vue de la sexualité, et du coup, quelqu'un qui n'a pas d'attirance amoureuse, on va dire que c'est quelqu'un qui est aromantique, mais il a de l'attirance sexuelle, donc on va dire qu'il est sexuel. Après, vous, de votre point de vue sexuel, c'est quelqu'un donc, qui est comme vous, qui a de l'attirance sexuelle, mais par contre qui n'a pas de sentiments amoureux. C'est là que vous allez l'appeler du coup un satyre ou pas trop les termes ou un connard parfois aussi. Oui, un satyre ou une nymphomane.